Page 119. Exercice 4. 1. Zut, Mathilde a un empêchement. Elle ne pourra pas m'accompagner en Inde. Du coup, notre voyage est annulé. 2. Élodie a failli perdre son emploi. Heureusement, à la dernière minute, son entreprise a trouvé de nouveaux clients et le poste d'Élodie a été maintenu. 3. Delphine a encore du chemin à faire pour finir son projet, et cela ne va pas être facile. 4. Cette réforme a été immédiatement oubliée. Elle était inutile. 5. Ce film a eu un succès phénoménal auprès des jeunes. 6. La situation de Dominique commence enfin à s'améliorer, après toutes ces épreuves.